De qui parlez-vous demain? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Bonjour Anaëlle. Salut Mathieu. Tu vas bien? Je vais très bien. Oui, ben on amène quelqu'un de nouveau dans l'équipe, comme ça une fois par 3 ans. Ah bon? Bonjour Anaëlle. Bonjour. Aujourd'hui, ben, tu vas nous parler de quelques artistes que tu as écoutés. Oui, j'ai fait mes devoirs. Oui, ben contrairement à moi, à chaque semaine. Exactement. Donc c'est Buck Brothers. Exactement. Et l'autre, c'est The Ataris. On va entendre ça un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi découvrir de la musique francophone. Oui. Et de la musique anglophone. Exactement. Et de la musique canadienne. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Comme chaque semaine. Ah, comme à chaque semaine. Oui. On aime ça comme ça. L'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés, c'est ce qu'on dit. On lance des choses sur les murs, on les écoute pas d'avance et on partage ça avec vous pendant 3 heures. Exactement. Et les francophones, cette semaine, on a reçu 2 CD francophones, beaucoup moins qu'à l'habitude. On a reçu un peu de... Yann Philibert. Et un peu de... Ah, il est dur parce qu'il n'est pas écrit sur la... Là, j'arrive pas à lire. Renan Luce, avec Repenti. On va commencer par contre par notre ami Yann Philibert. Vous le connaissez peut-être d'une pièce qui joue assez fou depuis plusieurs semaines. Elle s'appelle « Cocupé ». Et elle est sur le palmarès de C'est fou. On va l'entendre justement pour se mettre un petit peu dans le bain de ce que c'est du Yann Philibert. Ça vient du nouvel album qui s'appelle... Gibier de potence. Est-ce que t'as un problème de vue? J'ai un problème de vue, je pense, de loin. D'accord. Je te prêterai mes lunettes. Merci. Tout de suite, voici Yann Philibert et Cocupé à la chance. Au coureur. Ah, oh, c'est bien ça, j'aime ça. C'est... Et non, on ne remplace pas Danny en passant. Danny va être là à la 3e. Il y en a, ça stresse, les gens sont comme « Où est Danny? » Ouais, tant pis pour vous, c'est moi. Je regarde par la fenêtre, il fait pas beau, il tombe des petites gouttelettes dans les flaques d'eau. Pour moi, c'est tentant pour aller prendre un petit café cognac avec la femme de mon voisin qui avoisine le quartier. Parce que t'es trop occupé à travailler, parce que t'es jamais là pour t'en occuper. Parce que t'es trop occupé à travailler, parce que t'es jamais là pour t'en occuper. Tes verres, je couche dans ton lit, je touche ta femme comme un pervers. Je suis dans tes toilettes, je me torche avec ton papier, que tu payes avec ton salaire d'un coquipier. Hey, hey. Parce que t'es juste un work addict, t'es plus capable de te servir de ton deck. T'aimes mieux jouer avec ton bec, mais ça te chemé, ça donne pas assez d'encre pour dessiner dans son ventre un petit bébé. J'en ai 20, y'en a 40, pis y'en a ben, y'a même d'apprendre. Tout ça surpris de savoir tout ce qu'elle peut faire avec sa langue. Que tu entends tout ce qu'elle en demande, c'était vraiment une femme en manque. Et un jour, oh oui, au grand jour, l'inévitable va sûrement arriver. Un jour, tu vas être surpris de ce qui va te pardonner. Ta femme va t'annoncer à quel attend un petit bébé. Pis cet enfant-là, il sera pas de toi, mais ça tu vas le réaliser. Quand tu vas constater que l'enfant y a rien de toi. Y'a pas de tes cheveux, y'a pas de ton nez, y'a pas de ta bouche, pis encore moins tes yeux. Parce que t'es trop occupé à travailler, parce que t'es jamais là pour t'en occuper. Parce que t'es trop occupé à travailler, parce que t'es jamais là pour t'en occuper. Parce que t'es trop qu'occupé à travailler. Vous êtes assez fous.

petit David. Si on vous met souvent de mon côté, je vais essayer de plus souvent téléphoner. Mais excuse-toi, mon frère, exister, c'est souvent casser pied avec mes mille et une histoires qui en finissent jamais de finir. Pièce de Yann Philibert. On vient d'entendre Mille excuses. Avant, c'était Menace d'amour et au début, c'était Qu'occupé. La pièce qui est présentement sur le palmarès de ce Yann Philibert. N'est-ce pas, Annelle? N'est-ce pas, Mathieu? J'essaie de te faire entrer dans ma face. C'est gentil. L'album s'appelle Gibier de potence de Yann Philibert. Très bon artiste. On va un petit peu se renseigner sur lui si ça vous dérangerait pas. Donc, communiqué de presse de sa part et ça dit « À la fois homme orchestre, multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète, Yann Philibert lancera en février prochain, donc j'imagine en février présentement, son premier enregistrement intitulé Gibier de potence. C'est celui qu'on a reçu. L'album compte 12 chansons originales qu'il a choisies parmi un répertoire croissant de plus de 50 chansons. De plus, Yann a aussi choisi d'interpréter deux chansons en hommage à des artistes cultes, soit Berrurier Noir et Pennywise. Donc, les pièces, c'est Il tue son petit frère et Bro Hymn. Il a 24 ans. Ses musiques folk rock aux attitudes punk enrobent des textes engagés et percutants. Il puise son inspiration dans ses observations du quotidien et la perception qu'il s'en fait. Ses textes sont parfois crus, mais toujours bien pondus. Ses inspirations plus récentes sont Modest Mouse, Death Cab for Cutie. Yeah! Et j'aime bien ce groupe. Wolf Parade et Unicorn. Et puis ensuite, Yann nous confie, et je cite, c'est une citation exacte, « Nirvana est le premier groupe de musique qui m'a donné envie de former un groupe et d'écrire des chansons, mais je n'avais jamais été doué pour composer des chansons à la guitare électrique. C'est là que Violent Femme et Gordon Gano sont venus à ma rescousse et m'ont beaucoup inspiré pour composer à la guitare acoustique. Les Colocs et Jean Leloup ont eux aussi été une grande source d'inspiration, surtout pour la structure de mes textes. » Donc, Gibier de potence est sorti depuis le 7 février dernier. Et si vous voulez plus d'informations sur Yann Philibert, rendez-vous sur le bros.ca, bros.ca, Brothers Bros. Canteur, je sais pas ce que ça veut dire, mais bros.ca, les distributions Bros. Peut-être qu'ils aiment les jeux vidéo eux aussi. Peut-être. Hein? Comme toi? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, parce qu'en disant moi aussi, nous, c'est oui. Tout les jeux vidéo, c'est pas. Mais si. Oui, pour vrai. On en reparlera. Yann Philibert, voilà, qui fait le tour pour ça. À moins que ça me tente peut-être d'entendre son hommage à Berrurier Noir et tu vois son petit frère. On va l'entendre ça et ensuite, on va transitionner. Je la cherche sur l'album et je la trouve même pas. C'est spécial. Non, et voilà. Changeons d'artiste à la place. Ah, j'aime ça, l'improvisation oui. Comme ça. Prochain artiste, c'est Roman Luce. Son album s'appelle Repenti. On va écouter ça. C'est spécial sur la pochette. Qu'est-ce qu'on voit sur la pochette, Anaël? On voit une guitare avec des plumes. Oui, une guitare avec. Une guitare avec des plumes qui s'envole. C'est spécial. Spécial. Je sais pas si ça veut dire quelque c'est chose. C'est métaphorique. Peut-être. Sûrement. Peut-être. Allons entendre une pièce de cet album. Elle s'appelle Les Voisines et on en parle au retour. Renan Luce à la chance. Au coureur. «

Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leurs querelles de voisinage, deux, trois corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leur professeur et prélevais quelques quenotes. Mais aujourd'hui je suis trop vieux, je m'occupe de mes hortensias. C'est étrange comme ils poussent mieux, qu'ai-je bien pu donc enterrer là? Repentir, j'ai trahi. Dans les fourrés, quelque chose bouge, j'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine, une lumière rouge, je t'attendais. Je n'ai pas peur qu'on m'allonge sur mon lit, sur mon cœur une fleur d'hortensia. Je vais revoir le Stromboli, je vais oublier la mafia. Repentir, la sauce tomate dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti, j'ai trahi. J'ai bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à Little Italy. Repentir, j'ai trahi. Jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leur querelle de voisinage, deux, trois corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repentir, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes.

Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis ces derniers jours avec Anaël. Oui. Et Mathieu. Ben oui. Oui, ben quand c'est même. C'est toi. C'est toujours moi. Mmh. C'est ça. Et donc, on vient d'entendre deux pièces de la formation Fleur d'Assaut. On a entendu Peggy's Cove et juste avant, c'était Le Country sous un banc de neige. Et Anaël a un beau communiqué de presse dans ses mains. Oui, très court. D'accord. C'est ça qui est chouette. Le premier album éponyme de Fleur d'Assaut sera disponible le 10 mars prochain. Ils vont lancer leur... La sortie officielle de l'album se fera à Joliette lors du Off Festi Grunge 2007. Et puis, ils seront... Et ils seront au Saphir à Montréal le jeudi 15 mars. Fleur d'Assaut lance cet album enregistré durant l'année 2006 suite à leur démo en spectacle et au simple Rock and Root. Sorti en janvier et en juin 2006. Il comprend 8 chansons originales et montre bien la fougue que ce groupe peut avoir. J'en doute pas. Il ressort de la complicité de cette formation francophone un disque rock très intéressant teinté de country et influencé par le grunge des belles années. Ils se disent rock, grunge, country, c'est quand même un drôle de mix. Ouais. Ouais, c'est bon. Pas mal, mais puis bon, pour si vous voulez en écouter leurs pièces... Quelques extraits. Oui. www.myspace.com/fleurdassaut. Absolument. Les pièces dont qu'on a entendu depuis tantôt, mais aussi d'autres extraits. La société veut quelque chose et puis la GIF. Et leur site web n'existe pas. C'est marqué Avenir. Donc, ils vont faire un site très bientôt. Donc, voilà, Fleur d'Assaut. myspace.com/fleurdassaut. Assaut s'écrit A-S-S-A-U-T. Il n'y a pas de L, contrairement à ce que je m'étais dit dans ma tête. C'est pas grave. C'est ça. C'est pas un mot que j'utilise à tous les jours. Il nous reste un album de francophone, c'est la formation Direction. On a déjà reçu un album de leur part ici à C'est fou. En fait, on avait reçu deux avec des genres de symboles comme nom. Celui-là s'appelle 13. On va entendre un extrait qui s'appelle Suis-moi. Et ça vient du groupe Vert Dur. Donc, Direction, Suis-moi. Donc, suivez-nous par là-bas, la chance. Coureur! Suis-moi. On enchaîne avec Appui, toujours du groupe Direction. À la chance au coureur, et ça va être la fin de la première heure. Restez avec nous pour une deuxième heure des plus rocambolesques. Joli mot. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Retour à la chance au coureur, c'est la deuxième heure de l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. On a toujours Mathieu. Et Annaëlle. Annaëlle, salut! Salut! Ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté un paquet de bons groupes. Yann Philibert, Renan Luce, Fleur d'Assaut et Direction. Donc, vous avez raté bien des choses. Ceux qui se demandent où est passé Danny Janvier, ben, petite nouvelle. Ils sont vieux un peu plus tard, d'ici la troisième heure. Et parlons un petit peu de Direction avant de passer au choix d'Annaëlle. Parce que tantôt, on a entendu ça, mais on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'était la fin de l'heure. Donc, on a reçu un nouvel album. En fait, c'est le troisième album de Direction. Et je vais lire leur communiqué un peu. Nous souhaitons de tout cœur qu'il vous plaise et qu'il se méritera le privilège d'être diffusé sur vos ondes. Petit crochet à côté de ça, c'est fait. Notre formation s'est associée de soutien de plus de 76 stations radiophoniques en 2006 et est fière d'avoir obtenu plus de 40 articles et reportages parmi les magazines spécialisés. Ces encouragements sont le moteur même de notre formation québécoise et francophone. Nos disques sont distribués par Local Distribution, etc. Bon, je vais sauter quelques lignes. Ils vont être disponibles sur les sites numériques de Napster, Bell et plusieurs autres pour téléchargement. Et vous pouvez aller voir le groupe direction.com, www.legroupedirection.com. Vous allez trouver des renseignements à leur sujet disponibles de vous intéresser, susceptibles de vous intéresser. Et voilà, donc, c'est la formation, le groupe Direction. Et puis, leur album s'appelle 13. Ça fait le tour de ça. Annaëlle, Parle-nous un petit peu de ce Buck Brothers. Les Buck Brothers, c'est un groupe du style pop punk britannique. Ok, punk britannique. Oui, ça même. C'est brunk, dans c'est le fond. Ça. C'est ça. Et ben, ils ne sont pas frères, comme on pourrait le croire avec le nom. Okay. C'est marqué ça dans le communiqué en anglais que j'ai traduit soigneusement. Hey, t'es bonne. Ah. Mais ils sont amis, ils sont composés de trois gars. Andy, le bassiste et le chanteur, Pete, le guitariste, et le nouveau batteur, Horatio. Mm. Lors de leur album Me, Me. Okay. Oui. 12 chansons pop-rock. Et puis, ils seront bientôt en concert à Montréal. 2 dates, le 19 mars et le 21 mars. Est-ce que t'as aimé Buck Brothers? Plus ou moins. Ah. Mmh. T'as une piste marquée en particulier, le reste? Oui. Après, bon. Ah. Mais bon, si vous voulez vous écouter, vous avez leur MySpace. Oh. www.myspace.com/BuckBrothers B-U-C-K et Brothers. B-R-O-T-H-E-R-S. Bien. Oui. Et slash, Barbie. Le cassé. MySpace.com cassé. Mais ils ont aussi un site officiel www.BuckBrothers.net. Slash. Non? Non. OK. Donc, on a fait une pièce de Buck Brothers, ça vient de leur album qui s'appelle Me, comme tu disais. Et voici la pièce, nomme-la. Hein? Gorgeously stupid. À la chance. Au coureur. Yeah. Come on. Oh, come on. Talk to me. Seldom ever want me to be something in your life. I really need more than this. More than just part-time bliss. I'm gonna tell you why. Gorgeously stupid, gorgeously stupid. I can't remember my name. Gorgeously stupid, gorgeously stupid. And I think you're just the same. We only meet occasionally. Wherever you want me to be, I'm at your beck and call. Stupid, gorgeously stupid. I can't remember my name. Gorgeously stupid, gorgeously stupid. And I think you're just the same. I'm gorgeously stupid, gorgeously stupid. I can't remember my name. Gorgeously stupid, gorgeously stupid. And I think you're just the same. For everything I misuse, for every day I continue, it's all the same, misery lane, but I'm turning, oh, oh, oh, oh, oh. Stupid, I'm gorgeously stupid, I'm gorgeously stupid, I'm gorgeously stupid, stupid. Prenez part à la culture de demain, dès aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. I like girls in skirts and boots on bikes. Girls in skirts and boots on bikes. I like the bikes with the girls in the skirts and the boots and the boots with the girls riding over to you. Turning up and down your mind. I like girls. some thought. Lovely. Duck Brothers, et juste avant, on avait écouté l'autre pièce, Gorgeously Stupid. Il en aime des choses, ce gars-là. Hein? L'énumération de choses qu'il aime. Ouais. Des filles, des jupes, des bottes et des bessics. Ouais. Ben, il faut avoir des critères d'envie. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'était deux chansons énergiques de l'album. C'était extrêmement British. Extrêmement. C'est comme le British au meter. Comme... Non, ok. Hey, je me suis rendu compte, Annaëlle, qu'on a oublié deux groupes francophones. Mais non, ils ont oublié, ils viennent d'arriver. Le camion vient juste d'amener un déchargement de nouveautés de dernière heure. Ouais, dernière minute là. Ouais. Donc, les formations s'appellent les Saligots avec, Février, c'est un single. Et puis, Johnny 5, Johnny 5, même, je crois que la prononciation, ils nous disent comment la prononcer sur la feuille, c'est ça? C'est dit prononcer Johnny 5. D'accord. Johnny 5. Donc, on va commencer par les Saligots. Parfait. Et puis, on va ensuite parler de ces groupes-là pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils aiment. Peut-être qu'ils aussi aiment les filles, les vélos, les bottes, les jupes et un paquet d'autres affaires. On sait pas. Voici les Saligots avec Février à la chance. Au courant. Parce que cute, ça. Par la force des mois, dehors la pluie glace, l'écorce du bois qui ne peut plier, ne peut plier. Matin de l'effroi, les îles dans ma tête. Je tremble d'effroi, je délire, je t'embête. Le sommeil, c'est comme les études. Entre les rêves et les années qui passent, un internet séparant les angoisses, des échecs, des échecs. Muet de clémence, je danse dans les airs. Mes projets immenses ne touchent plus à terre. Dans le tissé de la sont jamais que des dires, et ça ne te plaît pas. Sur une année, le mois qui m'appartient, c'est celui-là où l'hiver n'a plus envie de rien. Février, s'embrasse en face de la télé. Mon reflet de glace dans l'écran enneigé. passe mes journées dans un désir de toi. Si je mets les souliers, c'est pour compter les pas. Soigneusement négligé. Entre tes aimes, je ne sais que le dire comme ça. J'en oublie mes veines et retrouve la voix. Chante et fête jusqu'en mai. On enchaîne avec Johnny 5, voici Aimer être con. On parlera des deux groupes tout à l'heure à la chance. Je ne voyais plus pour mes allocutions qui tenaient parti pris de mes opinions. Je ne voyais plus que la révolution. Je répétais la gueule à tous ceux qui disent non. Mais après mûre réflexion, j'ai fait quelques constatations. Qui donc se battra pour la nation si tout le monde fait dans son pantalon? Quand ce seront nous des mécons? 51% de camp. Quand ce seront nous des mécons? 51% de camp. Quand ce seront nous des mécons? 51% de camp. Quand ce seront nous des mécons? 51% de camp. Quand verrons-nous donc l'explosion de la plus grande diffusion? Les sourires et les exaltations d'un peuple uni par l'émotion. La peur, bien sûr, et l'hésitation n'entraînent que peu de réactions. Mais où est donc l'indignation face à 51% de camp? Quand ce seront nous des mécons? 51% de camp. Quand ce seront nous des mécons? Alors s'il vous plaît, filles et garçons, j'aimerais avoir votre attention. Ça semble une grosse décision, mais en fait c'est une solution. À moi de toujours tourner en rond, à moi de toujours passer pour des cons. Quand ça sont nous t'aimer être cons? 51% de cons. Quand ça sont nous t'aimer être cons? 51% de cons. Quand ça sont nous t'aimer être cons? 51% de cons. Quand ça sont nous t'aimer être cons? Tout ça. J'ai rêvé de tout ça. J'entends t'aimer rester là-bas. J'entends t'aimer rester là-bas. Tous les habitants de ma foi. Les habitants de ma foi. Entends pas plus crier en joie. Entends pas plus crier en joie. Oui, j'ai rêvé, oui, de tout ça. J'ai rêvé, oui, de tout ça. J'entends t'aimer rester là-bas. J'entends t'aimer rester là-bas. Tous les habitants de ma foi. Les habitants de ma foi. Entends pas plus crier en joie. C'est accrocheur quand même. Oui, ça résonne la tête. Johnny 5 avec la pièce Aimer être con, ici à la chance au coureur. Donc parlons un petit peu de ce groupe-là et de l'autre d'avant. D'accord. Commençons par Johnny 5 parce que c'est ce qu'il y a de plus récent. Donc album éponyme de Johnny 5 apparaître au printemps 2007, ça s'en vient. En fait, c'est Johnny 5, mais John, la lettre E et puis 5. Hein, c'est quand même compliqué. Donc, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc Johnny 5, les sonorités des années 80 et 90, ils foisonnent. Et les clins d'œil aux formations foisonnent. D'accord. Et les clins d'œil aux formations mythiques de l'époque, des Rita Mitsuko à Indochine en passant par Le Loup, qui à cette période était à son plus vivant, se bouscule au Portillon. C'est son communiqué de presse. Voici un produit, écoute ça, de la génération X, influencé d'un univers où la science-fiction côtoie la bande dessinée. La formation est composée de Jonathan Johnny Gauthier, guitare, danse, chœur et lead vocal, de Charles Carlito Starkey Dauphin, au basse, synthé, beatbox, chœur et voix, et de Yannick Yanso Brosso, au lead synthé, au chœur et aux échantillonnages. Pourquoi essayer de démonter Johnny 5 intercepte un coup de hache? Méchants humains, citation du film Short Circuit 2. Ça vient, c'est une citation du film Short Circuit 2. C'est-tu avec le petit robot? Aucune idée. En tout cas. Vous pouvez aller voir le myspace.com/ The John E5. Vous êtes Johnny 5. C'est pourquoi The et puis 5? T'sais? Moi, j'ai tendance à dire The Johnny 5 quand quelqu'un de. Bon. Donc, T-H-E-J-O-H-N-E 5 ou encore francouverte.com, francouverte au pluriel.com. Ça, c'est Johnny 5. Passons à ce qu'on a entendu avant. Oui. Les Saligos. J'aurais pu donner la feuille pour que tu la lises, mais t'aurais pas été préparé. Donc, les Saligos. Nous sommes un groupe de la scène émergente de Québec, qui se nomme Les Saligos. Nous avons récemment enregistré une chanson aux sonorités folk intitulée Février. C'est ce qu'on a entendu. Ils jouent déjà à Chiz 94.3, la radio de l'Université Laval, notre équivalent à Laval, ainsi que sur quelques radios communautaires de Québec, mais pas encore à Trois-Rivières. Maintenant c'est fait! Nous préparons actuellement un premier album et recueillons pour ce faire les commentaires constructifs. D'accord. Vous sachant à l'affût des nouveautés de la scène locale, merci beaucoup. Votre oreille nous importe beaucoup. De plus, cette chanson devrait-elle vous plaire? Nous serions heureux de la savoir diffusée à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Crochet encore. Rêve réalisé. Dans l'espoir de s'y faire entendre, voici 6 juin à cette lettre février. Merci à l'avance pour votre contribution à l'émergence de la musique d'ici. Salutations, Patrice Pellerin, les Saligos. Vos commentaires seront appréciés, au www.saligo.com, saligaud.com. C'est tellement une belle lettre. Oui, vraiment beau communiqué. Il manque le petit parfum. Oh, les petites couleurs. Oui, du rose un peu. Ah, du rose, n'est-ce pas? La couleur du jour, c'est le rose. On aime ça. Ah, qu'ils sont fins. On va l'entendre une deuxième pièce de Johnny 5. Parfait. Hein, génial, ça va être génial. Je dis génial. Wow, Johnny 5. Johnny 5. La deuxième pièce s'appelle Mécanique Mélanie. Aussi sur l'album, sur le EP, comme on l'appelle. Hein. Oui. La pièce En décembre. Et comment ça va, Mark Hamilton? EP. Il faut expliquer peut-être pourquoi c'est le EP. Faire le petit single. De la victoire. Victoire. Levé de la victoire. Yeah. Ou deux. Oui. Ou single. Oui. Ou deux belles. Ou encore, je dirais encore mieux, on revient dans 2 minutes à la chanson quoi? Parfait. Aucun rapport. Petit putain de cerf, il sort de son lit, les pieds meurtris aux petites heures de la nuit. Sans bavarder ni déjeuner, elle claque la porte de son gîte, descend les ronds des escaliers, puis continue d'avancer. D'avancer. D'avancer. D'avancer. Dans la visée d'un tortionnaire, au portefeuille plutôt précaire, qui en lui m'attend la part, lui fait signe, il va lui plaire, et sans pleurer ni rechigner, elle se fait prendre par derrière, descend de la voiture, et puis continue d'avancer, mécanique Mélanie, son bras en l'air avec des gens qui sont tendres, son foot est perdument, Mélanie se jette du temps, et sectionne pour un moment, que bientôt tout sera fini, tout sera fini. Que ça finit. Mécanique Mélanie, après avoir passé la nuit, sans retourner réfléchir à tout ce qu'elle a encore subi, mais sans pleurer ni s'essouffler, elle remonte les escaliers, un aller simple pour son lit, au revoir à tous Mélanie. Mécanique Mélanie, son bras en l'air avec des gens qui pourtant sont côté perdument, mais Mélanie se joue du temps et c'est chelé pour un moment. Que bientôt tout sera fini. Écoutez le son de demain. C'est fou, 89. retour en décembre, je veux même pris congé. Enfoncer la porte d'urgence pour plus vite t'embrasser. À ton retour en décembre, je m'étais même bien coiffé. Toutes les fourmis dans le ventre, regard fixé sur l'arrivée. À ton retour en décembre. Je m'étais même parfumé. Nous imaginer ensemble, enfin nous rassembler. Mais à ton retour en décembre, je m'étais mal préparé. Pour vous voir arriver ensemble, ça m'a un peu bouleversé. Comme une petite chute. Oh, c'est de l'eau, c'est reposant. C'est beau. Oui. Johnny 5, avec une autre pièce de son hippie. C'est beau, j'aime ça, non? Hippie. Hippie. T'appellerais ça un EP, toi? Non. T'appellerais ça comment? Un CD avec des musiques dessus? Un single, tout simplement. Oui, il y a quatre un pièces. CD de titres. Un CD de titres. OK. OK, on a entendu Aimer être con, Mécanique Mélanie, et puis en décembre, c'est ce qu'on vient d'entendre, il reste une autre pièce, Comment ça va, Mark Hamilton ou Mark Hamilton, mais on va la laisser passer pour l'instant. Trois, c'est beaucoup. Mais on a bien aimé Johnny 5. Exactement, c'était très apprécié. Mmh. Si vous voulez plus d'informations, allez voir myspace.com/thejohne5. Et essayez de vous débrouiller avec ça. OK. Moi, c'est pas fin. Non, mais tu sais, c'est choisis-toi une adresse qui est comme plus facile à retenir que ça, non? Oui, d'accord, c'est bon. C'est un commentaire. Je l'accorde. C'est un éditorial. Je l'accorde. D'accord. On aime bien sa musique, mais pas son adresse de MySpace. C'est ça. Vous êtes à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales avec Anaëlle et Mathieu. Oui, mm-hmm. C'est moi. On passe à de l'anglophone maintenant, l'alternatif anglophone. On aime ça, c'est des choses qui pourraient potentiellement... Reignition. Exactement, t'es bonne. Ouais. Reignition avec Empty Heart Loaded Gun. On va entendre une pièce qui s'appelle Short Memory, c'est la première de l'album. Et si on aime ça, on continue. Exactement. Et à venir plus tard dans l'émission, le bloc Pousse ta chance, où on passe un paquet de musique canadienne et puis qu'on la laisse jouer le temps qu'on l'aime. Et après ça, on dit goodbye. Comme avec Empty Heart Loaded Gun. Avec un fusil char. Ouais. Ah, bravo. Est-ce qu'on va en musique? On y va. OK. Reignition, à la chance. Au coureur. This world's got me on my knees again. Crying for this world to sin. And I just wanna make it end. I can't make it all right. It must be short memory. We've all forgot. We've all done this before. Don't waste our time. Don't beat us loud. Don't say you're sorry, 'cause it won't make it alright. We don't need more than promises. There must be something wrong with this. It's all been sticking walls a mess. If we can't get it right, we must not know our history. When's it gonna end? Now, in our time. êtes sur la seule radio musicale de 89.1 FM. Vraiment pas, ça, là. Pas. Non. Vraiment pas. Pas de chance. Quel beau solo de guitare, Mathieu. Merci. T'es très bien. Reignition, qui font dans le rock alternatif metal, ils viennent de San Francisco, aux États-Unis. Ah ouais? Oui. Donc, vous pouvez aller voir reignitionmusic.com ou encore myspace.com/reignition. Les membres sont Mark Hernandez à la batterie, Snake à la basse, Dave Moore à la voix et la guitare, Steve Esquivel à la guitare et Tim Howell à la guitare aussi. Il y a des extraits sur leur MySpace, Short Memory, Like a Beating et plusieurs autres. Ce qu'on a entendu comme pièce, c'était Short Memory et Like a Beating. Drôle de coïncidence! Oh, comme par hasard! C'est les deux premières pièces de l'album. Oui, oui. Et voilà, ça fait le tour de ça. Exactement. Il nous reste une petite pile de CD ici. Ah oui, quand même une grosse pile, là. Quand même. Ouais. Il nous reste 15 minutes pour d'ici la fin de la deuxième heure. Oui. C'est vrai. On va aller entendre, tiens, un CD, j'y vais un petit peu au hasard comme ça, j'essaie de pas prendre le canadien et le garder pour plus tard. Il nous reste absolument rien du côté anglophone alternatif. Il nous reste du anglophone rock. D'accord. C'est Graham Parker, son album s'appelle Don't Tell Columbus. On va entendre une pièce. Oh, c'est spécial comme concept parce que l'album s'appelle Don't Tell Columbus, ne le dit pas à Colomb comme dans Christophe Colomb. Et sa première pièce s'appelle I Discovered America. J'ai découvert la comme vie. Par hasard. C'est-tu un concept merveilleux? Ah oui. Et c'est ce qui joue tout de suite à la chance. Au courant! Ouais! Smoke up to my eyeballs, poison burned my throat. I said I'd keep on going, and everyone said don't. With my bony-chested t-shirt, some stolen guitar licks, navigating by dead reckoning in 1976. And when the mighty chains of darkness had me on the ropes, everyone said quit now. That's when I found hope. So please don't tell Columbus, don't tell his queen to show that I had the accurate compass and I discovered America. Yeah, I discovered America. Well, the guy in the five and dime store said it ain't anywhere around here. Take your business elsewhere, along with your mad idea. So I looked inside your closet, at your broken TV set. You said that you were born here, but you hadn't found it yet. So please don't tell Columbus, don't tell his queen to show. Tell his queen to show that I had the accurate compass and I discovered America. C'est bluesé. Jolie finale. Ben oui, ça finit comme un choc total. Un choc d'harmonica. Ouais. J'ai aucune idée de ce que je dis. Donc, Grant Parker, l'album s'appelle Don't Tell Columbus. Et si vous voulez voir sur l'album, regardez tout de suite sur l'écran de votre radio. Là, c'est comme un genre de carte, tu sais, sur une carte. Oui, il y a une sorte de boussole. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Une boussole. Parlant de boussole, regarde bien le lien. À partir de jeudi prochain, hein, à 10h, c'est l'émission La Boussole qui commence. Ah c'est, oui? Ben oui, une émission sur l'emploi. Ouais, l'orientation. Ça va être bon, ça. Oui. Ouais. Et c'est suivi à 11h de Café Bistrot, une émission de musique francophone et française avec Patrick Campbell. Et ensuite, c'est La Connexion avec moi-même. Ah, mais moi, la meilleure émission reste Chaud devant la relève le lundi de 11h à midi avec Marie-Ève Raymond, ma co-animatrice. Unbeatable, imbattable comme émission. Chaud devant la relève, lundi 11h. On fera d'autres plugs plus tard. Nous, on a encore de la musique à passer. C'est la fin de la deuxième heure de l'émission. D'accord. Mais moi, je vais vous laisser. Ah, c'est vrai, tu vas nous quitter. On va avoir le temps de se le dire tantôt, je pense. Oui. Des petits mots là, de bye-bye. Bye-bye. On va aller entendre, tiens, est-ce qu'il nous reste autre chose? Oui, il nous reste d'autres rock. D'accord. Ah, du bon, le rock. Oui. Superstack ou superstackmusic.com. Hein? Leur album est éponyme, Superstack. On va entendre la pièce qui s'appelle Here I Am. Et puis ensuite, on revient pour closer. Pour clore la closer. Deuxième heure. C'est un terme adapté de l'anglais. Oui. C'est ça. Pour okay. fermer la deuxième heure. C'est enfin. Ça passe vite? Oui, ça arrête pas de passer vite avec de la bonne musique comme ça, avec des belles petites discussions entre les deux, un paquet d'affaires qui n'ont aucune pertinence du tout. C'est pas grave. On a du plaisir quand même. Voilà, vous c'est l'essentiel. L'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours avec Anaëlle et Mathieu. Hein? Et plus tard, Dani avec nous. Oui. On s'ennuie. Tani, viens nous sauver. Superstack, voici Here I Am à la chance. Au courage. Ça me pogne de chanter ces chansons aujourd'hui. On va entendre Superstack avec Here I Am, et c'est déjà la fin de la deuxième heure de la chanson Cora. Moi, je vous quitte. Au revoir, Anaëlle. Merci d'avoir participé. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. C'était le fun de t'avoir. Oui. On espère que ça va se reproduire à chaque semaine. Mais je reviendrai. Yay. Pas de problème. Anaëlle, et écoutez-la à Chaud devant la relève tous les lundis. Exactement. À 11h. Tu chantes, tu composes, tu joues de la musique. Non. Enfin, tu joues dans un groupe. Non. Non, bah quand même, écris-nous. Ah, ok, c'est bah le cas. Je vous écris. À chaud devant la relève, à commercial@snake.com. Je m'en vais là tout de suite. La chanson coureur continue après avec la troisième heure. On dit au revoir à Anaëlle. Au revoir, Mathieu. Bye bye. Et on continue avec une autre pièce de Superstack. Voici Kick It On Down à la chanson coureur. Oh, je vais te laisser. À la chance. Au coureur. C'est ça, c'est bien ça. Heart cold as steel. It chills me to the bone. I get back from the show. Retour, c'est la troisième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les 7 derniers jours. On est toujours Mathieu Plante et accueillons tous ensemble l'ami Danny Janvier. Ouais, salut! Yeah, grand retour de Danny Janvier! Bonjour! Bonjour. Comme ça, toujours à chaque semaine, une heure au moins à la fin. Oui, j'essaie de, absolument. Sinon, j'ai un petit manque d'écouter des nouveautés. Normal. J'ai pas vraiment écouté, je travaillais tes deux premières heures. Mm-hmm. Mais c'était quand même pas si pire, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de dorlotes, il y avait beaucoup de Caïn style. Des balades. Du Caïn style, genre. Ouais. Ben justement, parlons-en. Ceux qui ont raté la deuxième heure, vous avez raté des formations telles que Buck Brothers, Johnny Five, Reignition, Graham Parker et Superstack pour terminer. Et parlons un petit peu de ce Superstack. On n'a pas eu le temps d'en parler tantôt avant de passer à l'électronique de Danny qui va combler au moins la demi-heure, je dirais. La première demi-heure. Ouais, je pense que oui. Superstack, c'est un groupe de rock de Toronto en Ontario. Ils sont au superstarmusic.com ou encore myspace.com. Superstar Music. Il y a Scott Bryan. Greg dans le groupe, et vous pouvez entendre des extraits dont Kick It On Down et Here I Am. Tantôt, ce qu'on a entendu, c'était Kick It On Down et Here I Am aussi. Mais voyons, c'est donc bien un drôle de hasard, j'arrête pas avec ça. Mais bon, c'est terminé pour Superstack, on oublie ça. Maintenant, on passe à un petit peu d'électronique avec Mayumi et Danny Jean. Oui, Mayumi, l'album que j'ai découvert là, 2 semaines, je n'avais pas eu le temps d'en parler encore. Un album très, très planant. On nous dit que c'est un regard, tu sais, il y a un sens très artistique en arrière de ça. C'est un regard un peu de l'homme face, vis-à-vis la Terre, vis-à-vis Gaïa, qui est comme finalement un être humain à part entière, parce que la Terre est un organisme qui est comme qui a un pouls, qui a comme un cœur qui bat. Okay. Puis c'est ça. C'est une musique qui nous amène un peu dans un voyage assez relaxant, assez introspectif. Comme je vous dis, c'est de la musique très, très planante. C'est pas là-dessus que vous allez vous mettre à danser sur les tables en vous garochant des shooters en arrêt de la cravate. Contrairement au thème de la chanson coureur qui, lui, fait danser des hanches. Oui, ça fait danser des hanches, mais quand même de façon relaxe, là. Tout en montant et descendant en ascenseur. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. C'est comme la musique qui se rend au plancher de danse en haut. Donc, on va écouter Mayumi. Si on a le temps, on va peut-être deux pièces, oui. On va commencer avec Underworld Dance. Donc, hein, tu vois, on voit, c'est la danse du monde souterrain. Mm-hmm. Mais on va écouter ça. Puis ensuite, Circle of Life. À la chance. Au coureur. On fait-tu le contraire? Dis à la chance, on va dire au coureur. À la chance. Au coureur. Bare World Dance avec le projet Mayumi qui est tiré de premier album parce que j'ai pas vu d'autres informations là-dessus. Passage to a Sanctuary. Et la pièce qu'on va entendre justement à l'instant, c'est Circle of Life, une autre pièce électro-ambiante. Tu es très planant. In Circle. Oh, c'est le Roi Lion. Circle of Life. C'est pas ça là? Roi Lion. Ça, Quarry tu me disais tantôt. Ouais, non, je pense pas. Y a-tu la coup de matata dedans, ça? Non. Chance au coureur. C'est passé planant. Écoutez et savourez à la place. Of Life du projet Mayumi, un projet qui vient de San Francisco, qui est très planant. Mathieu avait le goût de se faire couler un bain. C'est ça. Et maintenant, dans un tout autre ordre d'idée, mais toujours dans l'électro, eh bien, il y a la formation, c'est un projet de un trio qui vient de Québec, eh bien oui, Québec, Canada. Okay. Et puis ça s'appelle The Electrobe, leur site internet bien sûr au electrobe.com, Electrobe comme ça se prononce, Electrobe sans les accents. Oui, très simple. Et puis ben c'est ça, lui eux autres ils nous présentent un électronica techno industriel. Moi je vous dirais que c'est un genre de gros mélange de plein d'influences électroniques autant justement techno et électro que des trucs plus expérimentaux, plus breakbeat, donc c'est à découvrir. Moi j'aime ça parce que c'est un album qui a pas la même couleur, parce que Mayumi tantôt, un album qui est bleu et qui est bleu justement comme musique, une ambiance très feutrée, très similaire entre les pièces qui se ressemblent. Dans l'autre, on peut pas dire Electrobe, c'est pas un album qui est décousu non plus. C'est seulement qu'on voit que les personnes ont plusieurs influences. On s'est beaucoup inspiré des textes de la Kabbale. La Kabbale, des textes qui sont juifs, je pense, la Kabbale. Ah oui, c'est la religion de Madonna, je pense, qui est là-dedans, oui, la Kabbale. Exactement. Il y a aussi des chants vaudous haïtiens qui les ont inspirés. Et plusieurs textes inoux et natifs, finalement. Tout. Donc, c'est très bien. La plupart des pièces sont assez courtes, mais je veux dire, il y a des tracks avec de la voix, des tracks sans voix, pas vraiment chantés, c'est plus des textes récités. C'est à découvrir, c'est The Electrobe. Et on va commencer avec No Baby Doc Rock. À l'instant, la chance au coureur. Electrobe, donc Paul Hetch, Marc Sauvé, Evan Baptiste, Alex Vin, Takava, Guava Ramos et Jean-Pierre Labrèche. Bien sûr. Hein? C'est évident à dire. À donc c'est ça, le projet d'Electrobe, c'est dans le fond Paul Hetch avec plusieurs collaborateurs, mais Paul Hetch est sur toutes les pièces, les autres se retrouvent sur une ou deux pièces. Donc c'est cela, ce que vous avez entendu. Et puis Mathieu, t'as trouvé ça quand même pas pire? J'ai adoré ça, c'était très bon. Vraiment, j'ai bien aimé le petit bout à la fin, surtout de la pièce de... Très très bon. Donc The Electrobe, leur album est éponyme, si je ne me trompe pas. Exactement. On passe de l'électronique à la musique canadienne avec le bloc Poustachance. Poustaloc. Poustaloc, bâtard. On commence par Mardine. Oh. Je les appelle Mardine. Mardine. C'est Mardine. Elle nous a envoyé un hippie rempli de, j'imagine, j'espère, pas de la Mardine. C'est ce que je m'en dis. Si c'est mauvais, ça va être facile. Hein? Ça va être facile. Il nous aide pas mal côté jeu de mots poche. Ouais. On sait que j'ai la facilité pour trouver ça d'ailleurs. Donc, on va entendre une pièce qui s'appelle City Lights et ensuite on entendra Téléphone si on aime ça. Et ça se passe maintenant à la chance. Oh, coureur, et allons voir si c'est de la Mardine. Et on écoute une deuxième pièce de Mardine qui, dans le fond, n'est pas de la Mardine du tout. Oui. Voici Téléphones à la chance. I only talk to you by telephone and rarely see you on my weekends home. I'd rather sit or watch my television shows. You know as well as me we're not in love. Can't help but think of all the times you said goodbye. Never once did you feel the need to force a cry. No, that'd be too much to

something. Black night creeps in, I can't see anything, but I feel guided from time to time. This is my life, is it ordinary? Is there no time for the ordinary? This is my life, is it ordinary? This is my life, is it ordinary? But in the art of waking up, we got lost in so much stuff. Avec trois pièces de l'album qu'on vient d'entendre de suite. Honor, Telephones et puis au début du bloc, City Lights. Ici à Chanson Coureur, parlons un petit peu de Mardine. C'est un groupe de indie rock power pop de Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada. Ah oui? Oui. C'est cool, c'est bon. Ça fait spécial d'avoir un... Ça fait pas Halifax, Canada, non. J'ai rien contre le monde d'Halifax, mais jamais. Ça fait pas ça. Depuis quelques semaines, on a beaucoup de bons stocks canadiens. J'ai trouvé beaucoup de nouvelles choses que j'aimais là-dedans. Ça me surprend parce que depuis les derniers mois, c'est à peine si on en passait tellement qu'on trouvait que c'était pas génial. C'est parce qu'ils se sont mis à écouter de la musique québécoise et ont dit « Ah, oh, ça, il y en a qui sont originales au Canada. » Puis ils mettent pas qu'un au moins, donc c'est ça. OK. Donc, Mardine, allez voir Mardine.com, M-A-R-D-E-E-N.com. Les membres sont Matt Ellis, Travis Ellis, John Piero et Gary Staple. Vous pouvez entendre des extraits, dont même des pièces qui ne sont pas sur leur EP qu'ils nous ont envoyé parce que c'est pas un album complet. C'est seulement quatre pièces. Les autres pièces sont sur le myspace.com/Mardine. Donc, voilà, c'est ça, c'est leur EP. On espère avoir un album complet un jour. On continue le bloc Pousse ta chance qui jusqu'à maintenant ressemble pas du tout au bloc Pousse ta chance dans le sens que tout est bon. En tout cas, c'est le premier groupe qu'on entend. T'as choisi quoi, de mettre trois pièces là, de ça? De celle-là, ouais. Fait que pour le concept de Pousse ta chance, on l'a poussé à fond. Hein. Prochain groupe, en fait, un artiste qu'on s'en va entendre, c'est Amber Swift. Amber Swift. C'est écrivez donc en lettres lisibles. Amber Swift avec The Dirty Pulse. On écoute tout de suite la pièce No Regrets et on en parle juste après. Ça va sûrement être une des dernières pièces de la chanson pouvoir pour cette semaine. Sur C'est fou, 89.1. Say he's sorry. He teacher gonna make his rules now. I found himself a lover, man, she loved her jewels. She put more hands upon the man who would supply her. My brother's perfect angel was on fire. He never knew. No, no, no, no. He never knew. No, no, no, no. He never will. No, no, no, no. He never will. Continue le bloc Pousse la chance avec une dernière pièce. Voici No More War avec Another Pawn in the Game à la chance. Au coureur. Dans quelques secondes, ça s'en vient. C'est vrai. Non, j'ai eu ça quand le lecteur fait ça. On revient. La chanson chorale, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales tout en sortant de ses nombreux pétrins. Voici tout de suite la pièce de No More War. Ça devrait fonctionner. Another Pawn in the Game. Tout de suite. Ah, ben, gadon, ça marche. A kid fighting for my country, lean and mean, doing what they tell me. I'm here, stuck in a strange land again. I'm brave, like those around me, a slave to pride and society. I am another pawn in the game. Don't let them do that again. And don't let them do that. Since man held a club in his hand, that's the way it's been. Fighting for the land around me, fighting for ideology. Guys with God on their side. God don't care, ain't even watching, fighting when they should have been talking. Many make money as we meet the end. So don't let them do that again. No, don't let them do that. Since man held a club in his hand, that's the way it's been. I'm here in every country, every year, in end every century, nothing new on this spinning round ball. Earth needs help, not destruction, so seeds of hope. Voilà. C'était le bloc Pousse ta chance qui se terminait. C'est du Canadien, ça. Ouais, ça paraît. Pas mal. No More War, deux nouvelles chansons de R.A. Lautenschlager avec Another Pawn in the Game. Et puis voilà, qui fait le tour de ça. Vite comme ça. C'est la fin de la chanson courante, malheureusement, pour cette semaine. Danny Janvier, merci d'avoir été là pour cette dernière heure. On te retrouve à E3 2.0 les mercredis à 15h. Oui! On retrouve Anaëlle Huyez à l'émission Show devant la relève les lundis à 11h. Moi, je retrouve à La Connexion, la chanson courante en reprise et partout et palmarès. Allez voir le cif.ca pour les informations. Si vous avez raté l'émission ou si vous voulez la réentendre, écoutez-nous le jeudi après-midi à 13h. De la part de Danny Janvier, Anaëlle Huyez, Mathieu Plante et toute l'équipe fictive de la chanson courante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance!